suite ce matin de notre série de documentaires en nouvelle diffusion autour du thème des explorateurs, un thème décliné sur toute la chaîne cette semaine. Après être parti dans la Mongolie et la France du XXe siècle dans les deux émissions précédentes, allons plus loin dans le temps, cette fois-ci en Mésopotamie, dans les pas du père de l'histoire, Hérodote. Qu'allait donc faire Hérodote à Babylone au Ve siècle avant notre ère? Qui a-t-il vu? C'est ce que nous raconte ce matin le documentaire de Victor Massé de l'Épinay et d'Anne Fleury, avec le concours des spécialistes que sont Véronique Grandpierre, Laura Cousin, Paul Demont, Pascal Payen et bien sûr, les textes d'Hérodote soi-même dans ses enquêtes sur le monde de son temps. Pendant qu'Arpage ravageait les pays de l'Asie inférieure, Cyrus en personne ravageait ceux de la Haute Asie, soumettant tous les peuples sans en omettre aucun. Nous passerons sous silence le plus grand nombre d'entre eux, mais nous ferons mention de ceux qui lui donnèrent le plus de peine et méritent le mieux qu'on en parle. Quand Cyrus eut rangé sous sa domination la totalité du continent, il attaqua les Assyriens. Il y a sans doute en Assyrie beaucoup de villes importantes, mais la plus renommée et la plus forte, celle où depuis la destruction de Ninive, le pouvoir royal avait son siège, était Babylone. De l'asphalte, du miel et quelques bateaux ronds, Hérodote enquête à Babylone. Victor Massé de l'Épinay, Anne Fleury. Voici comment elle est faite. C'est pas si fréquent d'avoir une description de ville chez Hérodote. Et s'il la décrit, c'est justement parce qu'elle est extraordinaire. Et d'emblée, il dit qu'elle était ornée, organisée, ordonnée, comme aucune autre ville à notre connaissance. Donc c'est cela qui l'intéresse dans cette ville, et son cosmos, son ordre, sa beauté, son organisation. Et cette organisation, c'est ce qu'il va décrire en détail, elle repose à la fois sur des techniques et aussi sur des agalmata, c'est-à-dire des splendeurs, des merveilles à caractère religieux souvent. Ce qui l'intéresse, ce sont les événements qui sont advenus du point de vue des hommes. Et il ajoute un petit peu plus loin, « Grecs et barbares compris ensemble ». Le récit sur Babylone n'est peut-être pas le plus important, en tout cas il ne l'est pas en quantité. Il est situé au début du livre 1, or cette œuvre, elle nous a été conservée, elle a été découpée en 9 livres lors de son passage dans la bibliothèque d'Alexandrie, donc on est vraiment au tout début de l'œuvre. Alors pour moi ces 15 pages, c'est plutôt le regard d'un grec sur la civilisation babylonienne, sur la civilisation perse, sur ce qu'il considère comme un peu étrange, un peu barbare, tout en étant extrêmement intéressant. Hérodote a cette particularité d'être Hérodote d'Halicarnasse, donc il est né sur la côte égéenne côté turc, qui était perse lorsqu'il est né, et qui était grec lorsqu'il a commencé à écrire, puisque c'était passé sous domination grecque à l'époque. Donc vous voyez, c'est un statut qui est quand même extrêmement ambigu. On peut penser que c'est tout simplement la logique de son voyage qui l'a conduit là, puisque pour aller à Babylone, depuis la cité d'Halicarnasse, nul besoin de traverser la mer Égée. Il suffit de se rendre dans la cité de Sardes, qui se trouve au bord du rivage de la Turquie actuelle, de suivre ce qui est la route royale qui traverse l'Empire perse et par laquelle passaient les courriers. Et en suivant la route royale, on arrive en particulier à Babylone. On pense qu'il y a voyagé dans les années 460-450. Il avait alors une trentaine d'années à peu près. Il existe peu de représentations d'Hérodote. Regardons celle-ci. C'est une gravure hollandaise du XVIIIe siècle. Elle nous montre Calliope, Clio, Erato, Euterpe, Melpomène, Polymnie, Terpsichore, Thalie et Uranie, les 9 muses de l'Antiquité grecque. 4 d'entre elles déploient une grande carte centrée sur la mer Égée. On y voit l'Attique et le Péloponnèse, les îles de Chios et Lesbos, et la mer de Marmara que les anciens appelaient Propontis. Une 5e muse descend du ciel, tenant en sa main gauche une couronne de laurier. Une 6e semble montrer la carte à un buste posé sur un socle, qu'elle entoure tendrement de son bras et à qui semble destinée la couronne. Ce buste, c'est celui d'Hérodote. Hérodote est un grec qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est né entre les deux guerres médiques. Il est le contemporain de Périclès, il est le contemporain de Sophocle ou de Socrate, à quelques années près. Il meurt à l'âge de 60 ans environ, dans la cité de Tourioi, qui est, elle, une cité du sud de l'Italie, récemment fondée en 443 à l'initiative de Périclès. Dans la cité de Tourioi, il passe la dernière partie de sa vie et on pense qu'il meurt dans les années 425. C'est en tout cas à Tourioi qu'il met au point la rédaction définitive de son œuvre, écrite dans la dernière partie de sa vie et en un dialecte grec ancien que l'on appelle le dialecte ionien. Du point de vue des Grecs, les guerres médiques ont constitué un événement majeur de leur histoire. Du point de vue perse, probablement un événement beaucoup moindre. Mais cette victoire remportée par les Grecs à deux reprises, 490 et la deuxième guerre médique, 480-479, cette victoire a été vraiment fondatrice pour l'idéal hellénique, par opposition à ce que les Grecs ont de plus en plus appelé les barbares, à partir justement des guerres médiques. Hérodote, qui écrit vraisemblablement dans les 60 ans qui ont suivi, participe de cette construction de l'idéal hellénique, en particulier autour de la notion de liberté, en opposant le régime de liberté qu'est la Grèce, Athènes et Sparte, en un certain sens confondu, au régime de servitude qu'est la Perse. Et en bas à droite de cette gravure, comme jeté là, divers objets et rouleaux de parchemin collectés par Hérodote au long de ses pérégrinations. On distingue pêle-mêle une tête de cheval, un lion casqué et ailé, une sorte de dragon, et bien sûr une sculpture égyptienne ornée de hiéroglyphes. En haut à gauche, à l'horizon, sous les nuages, une grande ville ceinte de hautes murailles et surplombée d'une haute tour, Babylone. Babylone, ville rêvée, mythifiée, fantasmée. Hérodote nous y emmène. Laissons-nous guider par celui que Cicéron a surnommé le père de l'histoire, mais qui, nous le verrons, est tout autant ethnographe, géographe, anthropologue et voyageur. Babylone est la plus grande de toutes les cités que l'œuvre décrit. J'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas très long. Il n'en demeure qu'en tant que cité, parmi les cités, les villes qu'il décrit, Babylone est celle qui a droit au meilleur traitement. Voici comment elle est faite. Elle est située dans une vaste plaine. Elle est carrée et mesure 120 stades sur chaque face. Ainsi, le périmètre de la ville a en tout 480 stades. Telle étant l'étendue de l'agglomération urbaine de Babylone, sa belle ordonnance n'avait d'égal dans aucune autre ville que nous connaissions. D'abord, tout autour d'elle court un fossé profond et large, plein d'eau. Ensuite un mur qui a de large 50 coudées royales et 200 de hauteur. Au fur et à mesure que l'on creusait le fossé, on convertissait en briques la terre retirée de la tranchée. Quand furent façonnées un assez grand nombre de briques, on les fit cuire dans des fours. Puis employant comme mortier de l'asphalte chaud et interposant de 30 en 30 couches de briques des lits de roseaux, on construisit d'abord les parements du fossé. Ensuite et de la même manière, la muraille elle-même. En haut de cette muraille, sur les bords, on éleva des constructions comportant une seule pièce, qui se faisaient face les unes aux autres. L'espace qu'on laissa libre entre ces constructions était ce qu'il fallait pour la circulation d'un char à 4 chevaux. Il existe une autre ville, distante de 8 journées de marche. Elle s'appelle Is. Là, il y a une rivière peu importante. Cette rivière aussi s'appelle Is. Elle se jette dans le fleuve Euphrate. Des sources de cette rivière jaillissent en même temps que l'eau des grumeaux d'asphalte. C'est de là qu'on a apporté l'asphalte pour les murs de Babylone. 120 stades de côté, si mes calculs sont bons, ça fait entre 21 et 22 kilomètres. Laura Cousin. Ce qui est vraiment énorme. Ça, c'est quand même... Très éloigné de la réalité. Et la forme carrée ? La forme carrée, ça c'est plutôt intéressant parce que on retrouve cette idée de Babylone inscrite dans un carré déjà dans les sources du roi assyrien Assaradon qui a régné aux alentours de 689-668 avant Jésus-Christ. Assaradon était un roi très pieux, bâtisseur, qui a vraiment voulu reconstruire Babylone après des destructions qu'avait opérées son père Sennachérib. Et il dit déjà dans ses inscriptions qu'il a voulu faire de Babylone un carré parfait. Ça, ça fait partie de l'idéologie entourant Babylone. Donc depuis la fin du deuxième millénaire, Babylone est devenue la capitale religieuse de la Babylonie. Et de fait, on a essayé de reconstruire son histoire et d'en faire un centre cosmique très important. Et donc de fait, qui dit centre cosmique dit perfection de l'urbanisme. Et le carré symbolise vraiment cet état de perfection. Alors, est-ce que Hérodote a eu connaissance des écrits d'Assaradon ? Ça, je ne peux pas vous répondre. Mais c'est vraiment intéressant de voir que ce n'est pas forcément une idée nouvelle entourant Babylone. Babylone, c'est une ville dont on a les premières attestations au niveau des écrits au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Bon, avant, on n'en a pas, pour une bonne raison, c'est qu'au 4e millénaire, il n'y a pas d'écriture. Véronique Grandpierre. Mais on sait qu'au 3e millénaire, c'était déjà une ville importante. Donc ça, c'est le premier point. Babylone, c'est une ville millénaire. Au 5e siècle, elle est sous domination grecque. Donc on n'est pas à son apogée. On n'est pas vraiment sur son déclin, mais elle n'est plus la capitale qu'elle a été. Elle a été la capitale à plusieurs moments de son histoire, notamment au 2e millénaire, au 18e siècle avant Jésus-Christ, sous Hammurabi, et puis au 1er millénaire, sous les néo-babyloniens. Elle était donc la capitale de l'empire néo-babylonien qui a succédé à l'empire néo-assyrien. Et c'est là la différence d'ailleurs entre l'empire néo-assyrien et l'empire néo-babylonien. L'empire néo-assyrien, vous avez une capitale initiale qui est Assur, qui a donné son nom à l'empire, qui reste la capitale religieuse et plusieurs capitales politiques qui vont se développer. Avec Kalrou. Kalrou, c'est Nemrod. Vous savez, la ville dont le palais a été détruit récemment. Vous avez une deuxième capitale qui est Dourcharoukin, Khor Sabat, celle dont vous avez les bas-reliefs qui se trouvent au Louvre. Et puis vous avez une autre capitale, la dernière capitale, Ninive. Ninive qui est censée être, au moment de l'empire néo-assyrien, la plus grande ville du monde. Et les néo-babyloniens arrivent après. Eux, ils n'ont qu'une seule capitale, ils ne vont pas mettre 5 ou 6 capitales, ce sera toujours la même. Et donc, ils vont faire de Babylone la plus grande ville du monde, une ville plus grande encore que Ninive. Cet apogée de l'empire néo-babylonien, c'est le 6e siècle avant Jésus-Christ, avec les règnes en particulier de Nabopolassar et de Nabucodonosor II. Surtout Nabucodonosor II, en raison d'une source que beaucoup de gens connaissent, bien évidemment, la Bible. Mais pour les Grecs, Babylone n'est pas très connue en dehors du texte d'Hérodote, à l'époque d'Hérodote. Donc on n'a pas beaucoup de renseignements grecs sur Babylone. Paul de Mont. C'est donc pour les lecteurs ou pour les auditeurs d'Hérodote une ville merveilleuse, très largement. Et cette notion d'étonnement, de thaumaturge en français, est très importante. C'est un des critères majeurs de sélection des faits pour Hérodote. Et en fait, je parle de lecteur ou d'auditeur parce qu'il est très vraisemblable que l'œuvre d'Hérodote est issue de conférences. On le voit dans ses descriptions de Babylone. À un certain moment, il parle de quelque chose qu'il ne va pas dire concernant la taille des plantes, des millets et des sésames en Babylonie. Et il ne va pas le dire parce que quand il l'a dit, ça a suscité une très grande incompréhension. Donc il préfère ne pas le mentionner. Donc ça fait référence à toute une série de conférences qu'il a dû faire sur tel ou tel point, et donc sur Babylone aussi. Et qu'il a porté à l'écrit après. Et qui ont donc été rédigés petit à petit, probablement, et réunis ensuite après, car l'œuvre est tout de même assez largement bien charpentée, même si elle est divisée en deux grandes parties, plutôt l'une consacrée à l'expansion de l'Empire perse, et à la description d'un très grand nombre de peuples à cette occasion, et l'autre aux guerres méniques. La muraille dont je viens de parler est la cuirasse de la ville. À l'intérieur court une autre muraille qui n'est guère moins puissante que la première, mais plus étroite. Et dans chacune des deux parties de la ville, il y avait un groupe central fortifié. Dans l'une, la résidence royale entourée d'une enceinte grande et forte. Dans l'autre, le sanctuaire aux portes d'airain de Zeus Bélos. Ce sanctuaire existait encore de mon temps, il forme un carré de 2 stades sur toutes ses faces. Au milieu du sanctuaire est bâtie une tour massive, longue et large d'un stade. Sur cette tour se dresse une autre tour. Sur celle-ci, de nouveau une autre, jusqu'à 8 tours. La rampe qui y monte est construite extérieurement en spirale autour de toutes les tours. Vers son milieu, on trouve une station et des sièges pour se reposer, où ceux qui montent s'asseyent et se délassent. Alors, il parle effectivement de Zeus Bélos. Le dieu principal et polyade, c'est-à-dire rattaché à la ville de Babylone, s'appelle Marduk, qui est également parfois appelé Bel, qui signifie en akkadien le seigneur, donc qui désigne le dieu principal et le plus puissant du panthéon. Donc il décrit un temple vraiment colossal, de 2 stades sur 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que le complexe qui accueillait le dieu Marduk faisait quand même 20 hectares, donc vraiment une part très conséquente de la ville. Et Hérodote s'attache surtout à la ziggourate, cette tour à étages. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a retrouvé une stèle qui appartient à un collectionneur danois, Monsieur Skøyen. Et sur cette stèle, on voit représenté d'un côté le roi Nabucodonosor. Juste à côté de lui se trouve la ziggourate, qui est composée, on le voit, de 6 étages et d'un temple sommital. Ce document est vraiment très précieux parce que c'est vraiment la seule représentation que l'on ait de ce que pouvait être la ziggourate à l'époque de Nabucodonosor. Et voilà qu'Hérodote nous décrit une grande tour, et c'est, Véronique Grandpierre, la tour de Babel. C'est bien celle-là. Si on veut. C'est la tour de Babylone. Est-ce la tour de Babel ? Vraisemblablement oui, puisque c'est elle qui a inspiré les rédacteurs de la Bible. Est-ce qu'on va lui donner toute la signification biblique et la signification hellénistique de cette tour ? Non. Effectivement, c'est le temple principal de la ville. Attention, on est chez des polythéistes, donc ça n'est pas le seul temple. On a 43 temples dans la ville de Babylone. Mais c'est le principal temple, celui par lequel on arrive par une voie processionnelle extraordinaire, très large, pavé, etc., etc. Et vous avez en fait un complexe qui est divisé en 2. Vous avez un temple au ras du sol, hein, et vous avez la ziggourate, c'est-à-dire cette tour à étages de base carrée, et qui est une tour à étages pleine. C'est-à-dire que c'est pas creux comme les pyramides. Et avec un escalier circulaire extérieur. Ah, l'escalier circulaire extérieur, c'est extraordinaire. Ça a donné beaucoup, ça a inspiré beaucoup les peintres, notamment Bruegel, bien évidemment. Ça donne l'idée de vie sans fin, de choses qui n'a pas de fin entre la terre, de choses démesurées, la terre et le ciel. Mais non. Toutes les sources que nous avons, que ce soit les fouilles, que ce soit les représentations de la tour sur les tablettes, que ce soit les exercices mathématiques pour savoir combien il faut de briques pour monter, en combien de temps va le monter, la hauteur, etc. Parce que ça a aussi permis de faire quelques petits exercices de mathématiques pour les écoliers. Non, la tour est carrée et l'escalier... Alors, il y a plusieurs représentations possibles de cet escalier, mais on sait au moins qu'il y a un escalier qui était perpendiculaire à l'un des côtés. Comme une rampe, en fait. Dans la dernière tour, il y a un grand temple. Dans ce temple, un grand lit garni de belles couvertures. Et auprès de ce lit, une table d'or. Aucune statue de divinité n'est placée en ce lieu, et aucun être humain n'y passe la nuit, si ce n'est une seule femme du pays que le dieu a choisie entre toutes, à ce que disent les Chaldéens qui sont les prêtres de ce dieu. Ces mêmes Chaldéens disent, et pour ma part je ne puis croire ce qu'ils disent, que le dieu en personne vient dans le temple et repose sur le lit. Apparemment, Hérodote ne veut pas confiance dans ce qu'il dit. Donc quelque chose qui pourrait entraîner de l'apistier, en quoi on n'aurait pas confiance dans son récit et préfère ne pas le dire. Ici, il dit qu'il ne croit pas à cette histoire, mais il dit immédiatement après que si c'était vrai, ce serait comme à Thèbes, dans le temple de Zeus Thébain en Égypte. Hein. Donc, il a beau dire qu'il n'y croit pas, il signale immédiatement des parallèles. Mais Hérodote dit lui-même qu'il n'est pas obligé, lui, Hérodote, de croire à tout ce qu'il écrit. Vous savez que les prêtresses soient la femme d'un dieu, l'une des épouses humaines d'un dieu, ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est même relativement courant. La réelle question, c'est qui représente le dieu ? Et que fait-on en haut de cette tour ? Alors, Hérodote n'en dit pas grand-chose, d'autres auteurs en disent beaucoup plus, et l'imagination est très fertile en ce domaine, surtout que habituellement, on place ça au moment du Nouvel An, la cérémonie du Nouvel An, et de ce qu'on appelle le mariage sacré, la prostitution sacrée, etc., etc., etc. La grande prêtresse, dans certaines cérémonies, passe effectivement plusieurs jours dans un temple avec le roi, qui représente effectivement le dieu et le tout dans un temple dans lequel on a fait monter la couche royale. Donc je vous laisse imaginer tous les délires que l'on a pu justement imaginer. D'autant qu'on a fait cette découverte-là dans les années 68-69. À l'époque, en plus, on avait trouvé des textes quand même assez érotiques, faut quand même le dire. Mais depuis, on a fait d'autres découvertes et on s'est rendu compte que finalement, si on l'appelle mariage sacré, c'est surtout parce qu'on considère que c'est une alliance entre le roi et la divinité, et que cette alliance est aussi indéfectible qu'un mariage. Et on s'en est rendu compte tout simplement parce qu'on a trouvé plusieurs textes dans lesquels on sait que la grande prêtresse va passer des nuits et des jours avec le roi, mais la grande prêtresse, premièrement, n'a pas le droit d'avoir d'enfant. Et puis de temps en temps, c'est pas une grande prêtresse, c'est un grand prêtre. Alors comme rite de fécondité, c'est pas très facile. Tandis que si on le prend au sens d'un mariage, c'est-à-dire d'une union aussi indéfectible qu'un mariage entre le dieu et le roi, et donc le peuple, les peuples que gouverne ce roi, eh bien à ce moment-là, on n'a plus de problème, on a une interprétation qui est plus cohérente. À l'époque de Cyrus, il y avait encore dans le sanctuaire dont je parle une statue haute de 12 coudées, en or, massive. Personnellement, je ne l'ai pas vue. Je dis ce que disent les Chaldéens. Considérer Hérodote comme un historien, pour vous, Pascal Payen, c'est une sorte de contresens. Anthropologue serait plus adapté ? Anthropologue, ethnologue serait plus adapté. S'il fallait désigner Hérodote par un mot, c'est un voyageur. C'est un voyageur dans le sens matériel, mais c'est aussi un voyageur en esprit, dans les catégories d'analyse qu'il utilise. Et c'est là, en circulant et en revenant parfois dans les mêmes lieux, qu'il prend conscience de ce qui change, ou au contraire de ce qui ne bouge pas, de ce qui demeure. Et c'est la perception du temps qui lui est ainsi possible. Il y a en effet une intrigue de fond qu'il faut préciser avant de revenir ensuite au voyage et au parcours d'Hérodote. Une intrigue de fond autour de laquelle est bâti l'ensemble de son œuvre. Cette intrigue, elle comporte deux lignes d'analyse. D'un côté, Hérodote nous expose ce que sont les actions des rois conquérants, toujours à la recherche de la domination sur d'autres peuples. Alors ces rois conquérants qui se succèdent dans son œuvre, ce sont les uns après les autres Crésus, le roi, le régissime Crésus. C'est ensuite Cyrus qui va s'emparer de Babylone, c'est celui de notre récit, puis la succession des grands rois perses, Cambyse, Darius, Xerxès. Cette trame narrative-là, elle est celle classique, en quelque sorte, des rois conquérants, de leurs méfaits, des destructions qu'ils opèrent à des peuples qui ne leur demandaient rien. Et puis, il y a une autre ligne principale dans l'intrigue d'Hérodote, c'est la ligne des résistants, de ceux qui s'opposent à ces rois conquérants. Chaque fois, en effet, qu'un roi conquérant, et c'est vrai pour le récit babylonien de Cyrus, entreprend de conquérir un autre peuple, Hérodote bloque la narration et presque dès la première phrase, il passe à un autre sujet. Ce sujet, c'est la longue description du pays, des coutumes, des peuples visés par la conquête. Durant toute la première partie de l'œuvre, durant les deux premiers tiers de l'œuvre, les livres 1 à 6, ce sont ces longues descriptions de coutumes qui occupent le devant de la narration sans aucune hésitation possible. Et puis, ces premiers historiens, et lui le tout premier, il ne cesse de dire que tout ce qu'il recueille, eh bien, ils vont le mettre dans l'écrit. L'affirmation à la première personne grapho, c'est-à-dire j'écris, je mets par écrit, est absolument fondamentale et caractéristique de leur méthode. L'écrit est la ressource la plus fiable pour garder mémoire de tout ce qu'il observe, de tout ce qu'il voit. Les enquêtes d'Hérodote, prologue. Hérodote de Thurioi expose ici ses recherches. pour empêcher que ce qu'ont fait les hommes avec le temps ne s'efface de la mémoire, et que de grands et merveilleux exploits accomplis tant par les barbares que par les Grecs ne cessent d'être renommés. En particulier, ce qui fut cause que Grecs et barbares entrèrent en guerre les uns contre les autres. Je ne vais pas prononcer à propos de ces événements qu'il en fût ou ainsi ou d'une autre façon. J'indiquerai celui qui, autant que je sache personnellement, a pris le premier l'initiative d'actes offensants envers les Grecs. Alors moi je le lis en prononciation restituée, bien sûr, Erasmien. Il y a d'ailleurs quelques efforts maintenant de nos jours pour essayer de retrouver une prononciation plus fidèle. Par exemple, Hérodotus Touriou, le Theta de Touriou, c'est un Theta, donc en principe c'est T avec une aspiration. Hérodotus Touriou, historias apodexis ede, os mette ta genomenae santropon to chrono ex itela genetai, mette erga megalate cae tomasta, tamen ellesit de barbarousi apodectenta, aclea genetai, tatea la caidien haitien et polemesan adeloïsin. Et donc le principal, ici, c'est l'haïtien, la cause pour laquelle les Grecs et les barbares sont entrés en conflit. Mais ce n'est pas seulement une cause, mais c'est la responsabilité juridique de la guerre. Est-ce que ce sont les Grecs? Est-ce que ce sont les Perses? Et l'autre point, c'est ce qui apparaît à la fin du prologue. Homoios micra kai megalas thea anthropon epexion, en parcourant semblablement les petites et les grandes cités des hommes, tagarto palai megala en. En effet, ce qui auparavant était grand, tapolla auton smicra gegone, la plupart du temps maintenant est petit. Et ce qui, de mon temps, est grand, auparavant, était petit. C'est-à-dire que quand une ville, une cité, un peuple devient trop grand, la jalousie des dieux fait que ce peuple est abattu. C'est une leçon qui s'adresse à tous les hommes, et en particulier aux Grecs, puisque Hérodote écrit vraisemblablement au moment où Athènes est en train de conquérir, de transformer l'alliance contre la Perse en un empire. Donc on lit très souvent les enquêtes d'Hérodote aussi comme une sorte d'avertissement aux Grecs et aux Athéniens en particulier. Ce qui l'intéresse, ce sont les coutumes des hommes, dit Hérodote, et le mot grec est important, c'est le mot grec anthropos, anthropoi au pluriel, c'est-à-dire l'humanité dans sa totalité, sans distinction de race, de quelque façon que ce soit. Hérodote manie constamment dans son récit, comme ici, l'analogie, la comparaison, le rapprochement, de manière à mettre au jour le plus clairement possible le réseau des ressemblances, mais plus encore des différences entre les hommes, par-delà la grande opposition qui est une catégorie familière aux Grecs comme l'air qu'ils respirent, par-delà l'opposition entre Grecs et barbares. Pour lui, la loi ou la coutume, c'est le même mot grec que l'on emploie, c'est-à-dire nomos, le nomos, c'est un principe souverain qui règne sur tous les peuples du monde. Oui, c'est très étrange, parce qu'à la fois, on a les coutumes les plus variées, ils mettent les morts dans du miel, point, c'est tout, aucun commentaire. Et à côté de ça, les coutumes babyloniennes sont organisées par des jugements de valeur, dont d'ailleurs beaucoup de lecteurs se sont demandé s'ils étaient sérieux ou pas. Parce que la première coutume dont vous parlez sur le mariage est une coutume particulièrement curieuse pour nous. Et d'ailleurs, Le Grand parle d'une description par un ironiste. Mais est-ce que ce n'est pas plus sérieux que ne le pense Le Grand? Quand Hérodote dit la première coutume, c'est à la fois la plus sage, sophotatos, et la plus belle, callistos. Dans chaque bourg, une fois par an, avait lieu cette cérémonie. On réunissait toutes les jeunes filles qui cette année-là étaient en âge de se marier et on les introduisait ensemble en un même lieu. Autour d'elles se tenait debout une foule d'hommes. Un crieur les faisait lever l'une après l'autre et les mettait en vente. Il commençait par la plus belle de toutes. Puis quand celle-ci était vendue moyennant un gros prix, il en mettait aux enchères une autre, celle qui venait après par ordre de beauté. On les vendait pour être épousés. Les riches babyloniens en âge de se marier, surenchérissant les uns sur les autres, faisaient l'acquisition des plus jolies personnes. Les gens du peuple en âge de prendre femme, n'ayant que faire d'un extérieur agréable, prenaient, eux, des filles laides avec une somme d'argent. Car lorsque le crieur avait fini de vendre les plus belles filles, il faisait lever la plus disgracieuse, ou, s'il y en avait, une estropiée. Et il la mettait en adjudication, à qui accepterait de l'épouser en recevant la somme la plus modique jusqu'à ce qu'elle fût attribuée à qui s'y engageait pour le moindre prix. L'argent donc provenait de la vente des jolies filles. Ainsi, c'étaient les belles qui mariaient les laides et les infirmes. Et Hérodote trouve ça admirable. Plus et vous tard, y croyez ? Les Babyloniens avaient donc autrefois cette coutume excellente. Mais elle ne subsiste pas maintenant. Depuis que la conquête les a plongés dans le malheur et qu'ils ont été ruinés, tout homme du peuple qui manque de ressources prostitue ses enfants du sexe féminin. Vous n'y croyez pas ? Je pense qu'il a dû un peu mélanger beaucoup de choses. Et notamment le fait que la fille arrive lorsqu'elle est mariée avec une dot, certes. Mais au moment où l'on décide le mariage, ce qui correspondrait, mutatis mutandis, à nos fiançailles, eh bien, le marié doit payer une somme, ce qu'on appelle la teratum. Cette somme symbolise l'engagement du jeune homme à faire de cette jeune fille la mère de ses enfants. Véronique Grandpierre. Une fois que la fille est mariée, elle arrive, elle, avec sa dot, et elle récupère sa teratum. Et puis, il y a une autre coutume qui rentre en jeu, qui n'est plus qu'une coutume, qui est une loi, qui est qu'à l'époque babylonienne, vous avez certaines religieuses ou prêtresses ou femmes vouées au dieu Polyade, au dieu Marduk. Ces femmes ont le droit de se marier, mais elles n'ont pas le droit d'avoir des enfants. En revanche, elles doivent donner des enfants à leur mari. Alors, c'est un peu compliqué. À ce moment-là, il faut avoir recours à une autre personne. Et cette autre personne, eh bien, c'est en général une fille, soit une esclave, soit une fille d'origine modeste. Si elle est d'origine modeste, elle reste libre, mais on va la donner comme épouse, femme secondaire à son propre mari. Et la fonction de cette femme sera uniquement de faire des enfants et de s'occuper de ses enfants. Et effectivement, les gens qui sont dans la détresse auront tendance à donner leur fille, et pas contre rien, bien évidemment. Et alors cette coutume que Hérodote nous décrit au paragraphe 199 et qu'il juge être la plus honteuse qu'aient les Babyloniens, qui est que toute femme du pays doit une fois dans sa vie aller prendre place dans un sanctuaire d'Aphrodite et s'unir à un étranger. Là encore, une note de bas de page de Philippe Ernest Le Grand nous dit qu'il s'agit des hiérodules. Qu'est-ce que c'est les hiérodules et qu'est-ce que c'est que cette coutume qu'Hérodote nous décrit ? C'est une coutume issue du cerveau d'Hérodote. Non, vous avez en fait des femmes qui sont vouées à la déesse Ishtar. Ishtar, c'est une déesse extraordinaire. Un petit condensé d'Aphrodite, de Diane un petit peu, et puis d'Athéna. C'est aussi la déesse qui va accepter toutes les sortes d'amour. Conjugal, pas conjugal, etc., etc. Et c'est celle qui va notamment protéger tout le monde, c'est-à-dire y compris les prostituées. Au point que dans les hymnes, on désigne souvent le temple d'Ishtar comme la taverne, c'est-à-dire le bordel, et la déesse elle-même comme la prostituée. Voilà pourquoi on dit que les femmes doivent faire ça une fois dans leur vie, mais bien évidemment, il n'en est pas question. Là, il faut vraiment reparler de la fiabilité des sources d'Hérodote. Laura Cousin. Donc en fait, depuis plusieurs années, depuis environ 20 ans, il y a une hypothèse dans le monde de la recherche. Hérodote n'aurait pas visité Babylone. On pense qu'il aurait glané ces informations soit par des communautés grecques qui vivaient en Babylonie, qui méconnaissait la langue locale et donc lui aurait donné des informations faussées, soit il aurait aussi pu avoir ces informations par peut-être des habitants de la côte levantine, peut-être des Phéniciens, qui pouvaient faire des voyages entre le Proche-Orient et la Grèce. Donc, de fait, tout ça, c'est vraiment un problème dans les écrits d'Hérodote. Est-ce que Hérodote est allé à Babylone pour vous, Paul de Mont ? Est-ce que c'est important de le savoir ? Ah, j'avoue que moi, j'en sais rien. Vous savez, je suis plutôt un littéraire, moi, qu'un historien. Donc, je suis émerveillé, que c'est exactement ce qu'Hérodote voulait faire, hein. Émerveiller son lecteur, et je me laisse émerveiller, mais ça, je ne sais pas du tout s'il est allé. Hérodote donne des renseignements très précis sur la topographie de Babylone, qui sont ceux de quelqu'un qui n'a pas enregistré ses souvenirs tout de suite, mais qui a dû attendre parfois longtemps avant de dicter à des secrétaires le contenu de ses voyages. Donc il y a entre le moment où Hérodote a vu et le moment où il a composé son œuvre tout un ensemble d'intermédiaires, parfois aussi plusieurs décennies d'une vie, qui font qu'on ne doit pas forcément manifester à l'égard d'Hérodote une exigence factuelle trop poussée qui tendrait à prouver qu'il n'a pas vu ceci ou qu'il n'a pas vu cela. Comme vêtement, il porte une tunique de lin tombant jusqu'aux pieds. Il y a parmi eux trois clans. Par-dessus cette tunique, ils en passent une autre de laine et s'enveloppent d'un léger manteau blanc. On donne au bateau une forme ronde, comme celle d'un bouclier. Alors, sur les habits, c'est quand même très flou qu'on soit habillé de lin et de laine. Je dirais, encore maintenant, on peut porter des habits de lin et de laine, ça ne va pas vous dire grand-chose. Sur les bateaux, qui sont des bateaux ronds, on a plusieurs types de bateaux, et effectivement, ça peut correspondre. Sur les us et coutumes intrinsèques aux relations matrimoniales, c'est pour le moins curieux, mais Hérodote ne dit pas l'avoir vu. Il dit qu'on lui a dit que, et que justement il ne l'a pas vu parce que ça fait bien longtemps que cela n'existe plus. Ils mettent leurs morts dans du miel. Et leurs lamentations sont à peu près les mêmes que celles des Égyptiens. Toutes les fois qu'un mari babylonien s'étudie à sa femme, il fait brûler des parfums et s'assied à côté. La femme en fait autant d'autre part. À l'aube, tous les deux se lavent et ils ne toucheront à aucun vase avant de s'être lavés. Cette même pratique existe aussi chez les Arabes. On a trouvé souvent une unité dans l'appréhension par Hérodote de l'altérité. Par exemple, c'est le livre célèbre de François Hartog sur le miroir d'Hérodote. L'altérité, c'est en fait une figure inversée de soi-même. Paul Demont. Quand Hérodote décrit les coutumes des Égyptiens, eh bien, on peut lire en creux, finalement, les coutumes grecques, c'est l'inverse. Et simplement, les coutumes grecques sont transposées comme si c'était celles de l'ensemble de l'humanité. Néanmoins, il y a une énorme diversité, parce qu'il y a aussi un très grand nombre d'observations ou de rapports d'observations qui n'entrent pas très bien dans ce cadre du regard grec. D'ailleurs, c'est ce qui a permis un certain nombre de découvertes archéologiques, hein, justement, sur les bateaux, par exemple, qui descendent un fleuve trop rapide pour qu'ils puissent le remonter. Les ânes qui servent ensuite à remonter le produit de la vente, c'est quelque chose qui surprend énormément Hérodote parce qu'il ne trouve rien de tel en Grèce, qui le surprend comme une sorte d'invention. On est dans une époque où les Grecs étaient fascinés par les inventions. Ils cherchaient d'ailleurs à savoir qui était toujours le premier à avoir inventé telle ou telle chose, la médecine, avoir inventé la géographie, inventé ceci, cela. Et Hérodote cherche, dans cette description de Babylone, tout ce qui a pu être inventé. Et plus l'invention est extraordinaire, plus ça l'intéresse. Et quand c'est une femme qui fait l'invention, c'est encore mieux. Tel étant, Babylone a sans doute eu beaucoup de rois, dont je parlerai dans l'histoire d'Assyrie, et qui embellirent murailles et sanctuaires. Parmi ces souverains figurent en particulier deux femmes. Celle qui régna la première, cinq générations avant la plus récente, s'appelait Sémiramis. Elle fit exécuter dans les plaines des levées de terre qui méritent d'être vues. Auparavant, le fleuve submergeait couramment la plaine tout entière. La reine qui vint après elle s'appelait Nitocris. Plus avisée que celle qui l'avait précédée, elle laissa des monuments dont je vais faire la description. Et voyant que les Mèdes, devenus puissants, ne pouvaient demeurer en paix, elle prit contre eux autant de précautions qu'elle put. D'abord, le fleuve Euphrate, qui coule par le milieu de Babylone, de droit qu'il était, fut par elle rendu sinueux. Bien loin en amont de Babylone, elle fit creuser, latéralement au fleuve et à petite distance, un bassin pour un étang. En surface, elle donna à ce bassin un pourtour de 420 stades, et elle employa la terre qu'on retirait des fouilles en la répandant le long des berges du fleuve. Elle exécuta ces deux travaux, rendre le fleuve sinueux, déblayer un espace qui fut tout marécage, pour que le courant de l'Euphrate, se brisant en multiples courbes, devint plus lent, et qu'on dut, à la suite des trajets en bateau, faire une longue marche pour contourner l'étang. Elle voulait empêcher que les Mèdes, en fréquentant le pays, ne prissent connaissance de ses affaires. Sémiramis et Nitocris, Véronique Grandpierre, n'ont pas existé en tant que telles. Vous avez deux femmes, effectivement, qui ont été inspirées par des reines qui ont vraiment existé. Ces reines ne sont pas babyloniennes. Les reines qui ont existé étaient des reines assyriennes. Et effectivement, chacune des deux a fait énormément de choses, pas forcément pour Babylone, mais en tout cas pour leur mari, leur fils et leur petit-fils. Sémiramis, c'est vraisemblablement un condensé entre Shamouramat, une reine néo-assyrienne, la femme de Shamshi-Adad V et la mère d'Adad-Ninari. On est à la fin du 9e siècle, début 8e. Tout le règne de Shamshi-Adad, vous avez des complots, des guerres, etc., etc., etc. Il meurt. Et là, c'est normalement son fils, Adad-Ninari, qui doit monter sur le trône. Alors, on ne sait pas exactement si Adad-Ninari était mineur ou pas. Pendant très longtemps, on a cru à une régence de Shamouramat. Si elle n'est pas régente, elle a au moins une très très très très très grande influence sur son fils. Et notamment, lorsqu'il y a une guerre du côté du nord-est, du côté de l'Urartu, du côté de l'Arménie, eh bien, elle est présente. Et ça s'est jamais vu avant. Le roi guerrier, normalement, c'est une prérogative d'un roi, c'est pas la prérogative d'une reine. Alors, elle n'est pas toute seule, elle accompagne son fils. Mais c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est Shamouramat. Sémiramis, c'est le condensé entre Shamouramat, c'est la condensée aussi avec un petit peu de Nakia, qu'on reverra aussi après avec Nitocris. Alors Nakia, c'est bien plus tard. C'est l'épouse de Sennachérib, là encore roi néo-assyrien, celui qui a fait de Ninive sa capitale. Et puis Sennachérib finit très très mal, tué de coups de couteau, lardé de coups de couteau dans l'un des principaux temples de Ninive. Et sans l'existence de Nakia, qui fait prêter serment à tous les grands du royaume et à tous ses frères, un serment de fidélité de manière à maintenir le royaume, la succession aurait été certainement différente. Donc vous voyez, un très très très grand personnage. Donc Sémiramis, Shamouramat et Nakia, et peut-être un petit peu de condensé de la déesse Ishtar, pour si on regarde un peu ce qu'en dit Diodore de Sicile, parce que Hérodote n'en dit pas grand-chose. Et pour Nitocris, eh bien, la même Nakia, mélangée à Adad-Gupi, la mère du dernier roi néo-babylonien, Nabonide. Celui qu'Hérodote nomme Labinette. Exactement. Adad-Gupi qui a vécu 101 ans, au moins, et qui a eu le temps d'avoir une influence considérable, et dont on pense qu'elle était d'ailleurs plus ou moins apparentée à cette même Nakia. Telle fut, dit-on, la reine Nitocris. C'est contre le fils de cette reine Nitocris que Cyrus entra en campagne. Il portait le nom de son père, Labinette, et régnait sur les Assyriens. Lorsque Cyrus, marchant sur Babylone, eut atteint les bords du Gindès, ce fleuve à sa source dans les montagnes des Matiennes, traverse le pays des Dardanes et se jette dans un autre fleuve, le Tigre, qui coule près de la ville d'Opis et se jette dans la mer Érythrée. Lors donc que Cyrus essayait de passer le Gindès, lequel porte bateau, un des chevaux sacrés, des chevaux blancs, s'emporta, entra dans le fleuve et tenta de le traverser. Mais le fleuve l'engloutit dans ses flots et l'entraîna. Cyrus fut très courroucé de cet outrage du Gindès et le menaça de le rendre si faible qu'à l'avenir des femmes même le traverseraient aisément sans se mouiller le genou. Après avoir proféré cette menace, il renonça à la marche sur Babylone, divisa son armée en deux parties et ainsi divisée la disposa en ligne, indiquant par des cordes tendues sur chaque rive du Gindès le plan de 180 tranchées orientées en tous sens. Puis les troupes mises en place, il leur ordonna de creuser. Vu la grande multitude des travailleurs, l'ouvrage fut exécuté. Mais on passa à y travailler sur place toute la belle saison. Pascal Payen. Alors Cyrus met à sec le Gindès de façon à le franchir. C'est une scène emblématique qui s'inscrit parfaitement dans le schéma narratif que je viens de décrire. Tous les conquérants ont pour habitude de franchir des fleuves et souvent, ils accompagnent ce franchissement d'un outrage infligé au fleuve comme s'il s'agissait d'un individu vivant. Par exemple, Xerxès fera fouetter l'Hellespont, le détroit des Dardanelles. Darius devra s'affronter aussi au grand fleuve de Scythie. Ce franchissement, il est l'acte qui désigne métaphoriquement la conquête comme étant fondamentalement une transgression. Et donc le franchissement d'un cours d'eau annonce l'échec à venir du conquérant. Dans le présent passage, en dépit de la prise de Babylone, Cyrus finira par trouver la mort dès le récit qui suit, en voulant s'en prendre au peuple nomade des Massagètes qui lui oppose avec leur reine Thomyris une farouche résistance. Il y a là encore chez Hérodote, j'ose le dire, une belle audace interprétative qui n'est peut-être pas loin de l'erreur ou du mensonge, mais qui fait partie de sa manière de raconter. Ici, le franchissement du Guindus est le signe de ce désir de conquête qui est en même temps désir de possession, non seulement des individus qui vont se retrouver esclaves, mais de l'ensemble du territoire qu'ils possédaient et avec lequel se confond leur identité. Les grands fleuves de Scythie correspondent à la vie de ces peuples nomades d'Europe centrale, tout autant que les replis du territoire de l'Attique sont caractéristiques des usages et des pays, des paysages qui sont plus proprement ceux des Grecs. Quand Cyrus eut tiré vengeance du Guindus en divisant ses eaux entre 360 canaux, comme le printemps suivant commençait à poindre, il se mit alors en marche contre Babylone. Parvenu à l'étang, ce que la reine des Babyloniens avait fait pour le fleuve et l'étang, Cyrus, à son tour, le refit tout de même. C'est-à-dire qu'au moyen d'un canal, il dirigea le fleuve dans l'étang qui était en état de marécage. Et ainsi, les eaux ayant baissé, il rendit guéable l'ancien lit. Quand ce résultat fut obtenu, les Perses entrèrent dans Babylone. À cause de la grande étendue de la ville, racontent les gens du pays, les quartiers de la périphérie étaient déjà au pouvoir de l'ennemi, que les Babyloniens habitant les quartiers du centre ne se rendaient pas compte qu'ils étaient pris. Comme il se trouvait que c'était pour eux un jour de fête, ils dansaient pendant ce temps et se livraient au plaisir, jusqu'à l'heure où ils apprirent enfin, et trop bien, la nouvelle. C'est de la sorte que Babylone fut prise alors pour la première fois. Moi, j'aime énormément Hérodote parce que c'est effectivement un auteur qui fait perpétuellement réfléchir, qu'on a toujours du mal à véritablement situer. Ça n'est pas un auteur qui a une voix auctoriale unique. Et l'enquête à laquelle se livre Hérodote, cette recherche perpétuelle, il la voit partout. Et c'est ça qui m'intéresse énormément. Lui cherche la vérité sur tel ou tel point, mais ses propres héros, eux aussi, cherchent, veulent trouver quelque chose. Évidemment, quand il dit qu'il est à la recherche des choses les plus étonnantes, les plus merveilleuses, pour qu'elles ne soient pas oubliées, la chose la plus étonnante et la plus merveilleuse, c'est son propre travail, hein, et dont il ne veut pas qu'il soit oublié. Le pays d'Assyrie reçoit peu de pluie. Il n'en va pas comme en Égypte, où le fleuve monte de lui-même dans les champs cultivés. L'arrosage se fait à la main ou avec des machines élévatoires. Car la Babylonie entière, comme l'Égypte, est coupée de canaux. Le plus grand de ces canaux porte bateau, et venant de l'Euphrate, il aboutit à un autre fleuve, le Tigre, sur les bords duquel était construite la ville de Ninive. Ce pays, entre tous ceux que nous connaissons, est de beaucoup le plus propre à la production des céréales. En ce pays, les feuilles du froment et de l'orge atteignent aisément 4 doigts de largeur. Et les jardins suspendus, pourquoi il n'en parle pas, Hérodote ? Peut-être qu'il y a une explication toute simple au fait que Hérodote n'en parle pas. On a vu tout à l'heure que Hérodote confondait souvent l'Assyrie et la Babylonie. Quand il parle de Sémiramis, de Nitocris, finalement c'est à des reines assyriennes qu'il fait allusion. Or, les rois néo-assyriens avaient une particularité, c'est qu'ils adoraient les jardins. Et dans les capitales néo-assyriennes qu'on a vues tout à l'heure, que ce soit Kalrou, que ce soit Khorsabad, que ce soit Ninive, vous avez des jardins. Et pour justement faire en sorte que ces jardins soient prospères, eh bien, on amène de l'eau. On va la chercher très loin, cette eau. On va pulvériser la montagne, faire des canaux, faire des souterrains, faire des aqueducs pour irriguer tous ces jardins. Et dans ces jardins, et on le sait pertinemment pour notamment la ville de Sargon, eh bien, on va chercher des plans de tous les quatre coins de l'Empire. Le but est de reconstituer à côté du palais un microcosme qui recrée en fait toutes les parties de l'Empire à disposition. On va même chercher des animaux pour les remettre dans ces jardins extraordinaires. Donc ces jardins ont sans doute existé, les jardins suspendus, mais ils étaient à Ninive. Sans doute. Mais attention, on n'a pas fouillé Babylone en entier. Donc, peut-être. Merci à Véronique Grandpierre, Laura Cousin, Paul Demont et Pascal Payen. Lecture Hervé-Claude Hillin, prise de son Élise Leu et Anthony Thomasson, mixage Cédric Chatelus. De l'asphalte, du miel et quelques bateaux ronds, Hérodote enquête à Babylone. Un documentaire de Victor Massé de Lépinay et Anne Fleury. Depuis le début de la semaine, nous vous avons proposé des documentaires en nouvelle diffusion sur le thème des explorateurs. Et bien, nous terminerons avec un entretien original avec l'historien Peter Frankopan. Peter Frankopan qui est auteur des Routes de la Soie chez Navigata, l'histoire au cœur du monde. Il nous y raconte justement comment des commerçants, des guerriers, des prêtres, des inventeurs ont sillonné toutes les routes d'Asie jusqu'à l'Europe depuis la nuit des temps.